بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'étoile à son déclin. ما ضل صاحبكم وما غوى. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Et fut à deux portées d'arc ou plus près encore. فأوحى إلى عبده ما أوحى. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. ما كذب الفؤاد ما رأى. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. أفتمارونه على ما يرى. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit ? ولقد رآه نزلة أخرى. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Près de la Sidratul Muntaha. Près d'elle se trouve le jardin de Mawa. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ومنات الثالثة الأخرى. Ainsi que Manat, cette troisième autre. ألكم الذكر وله الأنثى. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille. تلك إذا قسمة ضيزى. Que voilà donc un partage injuste. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. أم للإنسان ما تمنى. Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire. فلله الآخرة والأولى. À Allah appartiennent la vie future et la vie d'ici-bas. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qui l'agrée. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes. وما لهم به من علم. Alors qu'ils n'en ont aucune science, ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie présente. ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin, et il connaît parfaitement qui est bien guidé. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense. C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Vois-tu celui qui s'est détourné? وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. Donner peu et a finalement cessé de donner. أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى. Détient-il la science de l'inconnaissable en sorte qu'il voit? أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى. Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse? وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. Et celle d'Abraham qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Qu'aucune âme ne portera le fardeau, le péché d'autrui. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Ensuite, il en sera récompensé pleinement. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. Et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. Et que c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى. et que c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie. Et que c'est lui qui a créé les deux éléments, le couple, le mâle et la femelle. D'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Et que la seconde création lui incombe. Et c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir. Et c'est lui qui est le seigneur de Sirius. Et c'est lui qui a fait périr les anciens à Ad. Ainsi que les Thamoud. Et il fit que rien n'en subsista. Ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents. De même qu'il anéantit les villes renversées. Et les recouvrit de ce dont il les recouvrit. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute ? Voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. L'imminente, l'heure du jugement s'approche. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi ? Vous étonnez-vous de ce discours, le Coran ? Et vous en riez et n'en pleurez point ? Absorbé que vous êtes par votre distraction, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le.